message, which is understanding our kingdom. Der Herr möchte uns in eine andere Richtung lenken, aber es geht immer noch um das Königreich und das Königreich verstehen. Dieu veut nous amener dans une autre direction, mais le sujet est toujours sous le sujet de comprendre le royaume de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. The Bible said that as Jesus is, so are we in this world. Die Bibel sagt, so wie Jesus ist, so sind wir in dieser Welt. La Bible nous dit que comme Jésus-Christ est, c'est comme ça nous sommes aussi dans ce monde. He said we are not different. Ist nicht anders. Nous sommes pas différents. We are not different from Jesus. Ist nicht anders als Jesus. Nous sommes pas différents de Jésus-Christ. We are exactly He. Wir sind exakt er. Nous sommes exactement comme lui. As he is, so are we right now. So wie er ist, so sind wir jetzt. Comme il est, c'est comme ça nous sommes maintenant. He did not say that is how little we are. Er hat gesagt, so klein sind wir. Nous a pas dit que vous êtes petit. Oh, we are almost like him. Oder wir sind fast so wie er. Nous sommes presque comme lui. Said as he is, so are we. Wenn er sagt, so wie er ist, so sind wir. Il a dit comme il est, c'est comme ça nous sommes maintenant. Praise the Lord. Hallelujah. Let us go to First John 4. Yes, Johannes 4. First John 4. Yes, Johannes 4. Verse 17. First John 4, verse 17. He said, are we there, please? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Herein is our love made perfect. I hope you understand what a perfect love means. Ich hoffe, ihr wisst, was eine vollkommene Liebe ist. J'espère que vous connaissez la signification de l'amour parfait. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said that we may have boldness in the day of judgment. Because as he is, so are we in this world. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It means we are not different from Jesus. Das heißt, wir sind nicht anders als Jesus. Verse 17 montre que nous ne sommes pas différents à Jésus-Christ. Amen. Amen. It is true. We are not different from him. Das stimmt, wir sind nicht anders als er. C'est vrai que nous ne sommes pas différents. Amen. Amen. It is true that as he is, so are we right now. He did not say that is how we are going to be. So wie er ist, so sind wir jetzt, nicht so werden wir sein. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, pas on va être comme lui. Amen. Amen. If you look at Jesus, he, you know, 100% the Son of God and 100% the Son of Man. Wenn wir uns Jesus anschauen, 100%ig Sohn Gottes und 100%ig Menschensohn. Et si on voit Jésus-Christ, on voit qu'il est 100% le fils de l'homme et puis 100% le fils de Dieu. And the Bible also said that we are also 100% a son of God and 100% a son of man. Und die Bibel sagt auch, dass wir 100%ig Söhne Gottes sind und 100%ig Menschensöhne sind. Et la Bible nous dit que nous sommes aussi 100% les fils de l'homme et 100% les fils de Dieu. This it is not without Christ. Nicht ohne Jesus Christus. Et ce n'est pas sans Jésus Christ. It is not without Romans 8:14. Es ist nicht ohne Römer 8:14. Let's go there. Romans 8:14. Et ce n'est pas sans Romans 8, verset 14. On va lire maintenant Romans 8, verset 14. It is not fake Jesus. Es ist kein falscher Jesus. We are talking about the only true God. Wenn wir reden über den einzig wahrhaftigen Gott. Et on parle pas d'un faux Jésus-Christ, mais du vrai Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 8:14. Römer 8:14. Romans 8, verset 14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. It is not being, you know, if you are not being led by the Spirit of God, you are not a son of God. Wenn du nicht geleitet bist durch den Geist Gottes, dann bist du kein Sohn Gottes. Et si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas un fils de Dieu. If you do not allow the Spirit of Christ to lead you, the Holy Ghost to lead you, it means he is saying here that you are not a son of God. Hier steht, dass du dann kein Sohn Gottes bist, wenn du dich vom Heiligen Geist geleitet wirst. Et si tu te laisses pas guider par le Saint-Esprit, ça montre que tu n'es pas un fils de Dieu. He said, if you allow yourself to lead you, it means you are not a son of God. Wenn du zulässt, dass ein anderer Geist dich leitet, bist du kein Sohn Gottes. Et si tu laisses que ton soi te guide, ça montre que tu n'es pas un enfant de Dieu. If you are really 100% Christ, wenn du wirklich 100%ig Christus bist, si tu es 100% le Christ, if you are really 100% a son of God, that your spirit is through Christ, you will allow the Spirit of God to lead you. Wenn du wirklich ein Sohn Gottes bist, dann wirst du zulassen, dass der Geist Gottes dich leitet. Amen. Si tu es vraiment un fils de Dieu, ça va, tu vas laisser le Saint-Esprit te guider. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. We are not different from Christ Jesus. Wir sind nicht anders als Christus Jesus. Nous sommes pas différents de Jésus-Christ. Amen. As he is, so are we right now in everything. So wie er ist, so sind wir in allem jetzt. Tel il est, tel nous sommes maintenant en tout. Mm-hmm. As he is, so are we right now in everything. So sind wir in all, sind wir in allem. Er. Tel Jésus-Christ est, tel nous sommes en tout. Amen. You know, in Matthew 16, verse 13, Jesus asked his disciples, who do men say I am? Jesus fragt seinen Jünger, Matthäus 16, für wen haltet ihr mich? Et dans Matthieu 16, Jésus-Christ demande ses disciples, qui, vous pensez qui je suis? Amen. You know, people, they, you know, especially the Pharisees, they see Jesus different. Besonders die Pharisäer, sie sehen Jesus als jemand anderes an. The religious people. Die religiösen Menschen. Et les gens religieux comme les pharisiens voient toujours Jésus-Christ différent. And today we also know how people see us. Und heute wissen wir auch, wie Leute uns sehen. Et on sait aussi comment les gens nous voient. Amen. Amen. You know you have a name. You already have names that they call you. Sie haben Bezeichnungen. You might not even know the name. Vielleicht kennen sie die Bezeichnung gar nicht. Oder vielleicht schon, aber sie haben Bezeichnungen für uns. Et peut-être ils ont aussi de noms pour nous. Et puis toi, tu n'es pas conscient qu'on t'appelle toujours des noms. Especially the religious people. Besonders die religiösen Menschen. Surtout les gens religieux. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, people, they see you so proud. Leute denken, dass du sehr stolz bist. Et les gens pensent que tu es vraiment orgueilleux. They see you so arrogant. Dass du arrogant bist. Ou que tu es arrogant. They see you that you never accept others. Dass du niemals andere akzeptieren wirst. Ou que tu n'acceptes pas les gens. You never tolerate others. Niemals andere tolerieren würdest. Et tu ne tolères pas les autres gens. Amen. Amen. It is true, we are proud. We are proud of Jesus. Und es stimmt, wir sind auch stolz. Wir sind stolz auf Jesus. Et c'est vrai que nous sommes fiers. Nous sommes fiers de Jésus-Christ. It is true that they will see us arrogant because we are so bold. Natürlich werden sie sagen, dass wir arrogant sind, weil wir so mutig sind. Et c'est vrai qu'ils vont dire que nous sommes orgueilleux parce que nous sommes vraiment courageux. And so also, they will see us not tolerating others because we never tolerate anything outside Christ. Und genauso werden sie uns auch als intolerant sehen, weil wir keinen anderen Weg als Jesus Christus tolerieren. Et peut-être ils pensent aussi que nous sommes intolérants parce qu'on n'accepte pas quelque chose à part de Jésus-Christ. Our message gives them problems. Weil unsere Botschaft ihnen ein Dorn im Auge ist. Et notre message leur donne des problèmes. And our boldness gives them problems. Und unser Mut gibt ihnen auch ein Problem. Et notre courage leur fait aussi un problème. Amen. But we always tell them the truth. Aber wir sagen ihnen immer wieder die Wahrheit. Nous dit toujours la vérité. Amen. Amen. We are just preaching the truth. Wir predigen einfach nur die Wahrheit. Nous on prêche seulement la vérité. Just like Jesus. Genauso wie Jesus. Comme Jésus-Christ. Amen. Amen. Just like Jesus, you know, before the Pharisees. Genauso wie Jesus vor den Pharisäern. Comme Jésus-Christ devant les Pharisiens. The Pharisees said the same thing concerning Jesus. Denn die Pharisäer haben das gleiche gesagt. Les Pharisiens ont dit la même chose sur Jésus-Christ. A lot of time. Oftmals. Plusieurs fois. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise Jesus. Hallelujah. In John 10, verse 30. Let's go to John 10, verse 30. Johannes 10, Vers 30. John 10, verse 30. Praise the Lord. Hallelujah. You know, anywhere we go, we mention Jesus. Egal wo wir hingehen, wir reden von Jesus. Partout où on va, on mentionne toujours Jésus. They always hear that name from us. Sie hören immer wieder diesen Namen von uns. Ils attendent toujours le nom de Jésus-Christ de nos lèvres. We preach him everywhere. Wir predigen ihn überall. On prêche partout. They know us by his name. Sie kennen uns durch diesen Namen. Ils nous connaissent à travers ce nom de Jésus-Christ. Exactly like Jesus. Genauso wie Jesus. Comme Jésus-Christ. Jesus never do without his father. Jesus hat niemals etwas ohne seinen Vater getan. Jésus-Christ n'a jamais fait quelque chose sans son père. He never separated himself from his father. Er hat sich niemals von seinem Vater getrennt. Il s'est jamais séparé de son père. And he never allowed anyone to separate him from his father. Er hat auch nicht zugelassen, dass ihn irgendjemand von seinem Vater trennt. Il n'a pas laissé que quelqu'un le sépare de son père. Praise the Lord. Alléluia. As he is, so are we right now. So wie er ist, so sind wir jetzt. Tel il est, tel nous sommes maintenant. Amen. Amen. In John 10, verse 30 to 33. Johannes 10, 30 bis 33. John 10, verse 30 à 32. He said that I and my Father are one. Amen. Are you getting it? Ich und der Vater sind eins. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Amen. My Father and myself, we are one. Mein Vater und ich, wir sind eins. Moi et le Père, nous sommes un. You know, no one can say they are one with Christ today. Niemand kann sagen, dass er eins ist mit Christus heute. Aujourd'hui, personne peut dire que quelqu'un est un avec Jésus-Christ. But we say it everywhere. Aber wir sagen es überall. Et nous, on le dit partout. That once you see Jesus, to see Jesus, you have to see me. Once you see me, you see Jesus. Wenn du Jesus sehen willst, siehst du mich. Und wenn du mich siehst, siehst du Jesus. Donc quand tu me vois, tu vois Jésus-Christ. Et quand tu vois Jésus-Christ, tu me vois. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In verse 31, it said, 31. Then the Jews took up stones again to stone him. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Because, you know, if you say you and somebody, you are one, it means you are equal. Wenn du sagst, dass du mit jemandem eins bist, dann seid ihr euch gleich, also ebenbürtig. Donc quand tu dis que toi et une personne vous êtes un, ça montre que vous êtes pareil. It means as he is, so are you. So, wie diese so you est, are. So bist du auch. Mm. Donc ça montre que comme cette personne est, c'est comme ça toi aussi tu es. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus said, my Father sent me. As my Father sent me, so also I sent you. Mm. So wie mein Vater euch gesandt hat, nee, wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Amen. Et Jésus a dit, comme mon Père m'envoie, c'est comme ça, je vous envoie aussi. You know, religion, we hate you. We hate you for saying that you and Christ Jesus, you are one. Würde dich dafür hassen, dass du sagst, dass du und Jesus eins seid. Et la religion te déteste parce que tu dis que tu es un avec Jésus-Christ. Amen. Amen. For then Christ is a master. Für sie ist Christus ein Meister. Pour eux, Jésus-Christ est un maître. Are not a father. Und nicht ein Vater. Et pas un père. You can call Christ daddy. Du kannst for me. Nochmal. For them. You can't call Christ daddy. Du kannst. Or father. Du kannst Christus Vater nennen. Nicht. Oder, nicht. Achso, nicht? Achso, du kannst. You cannot. Achso, okay. Du kannst Christus nicht Vater oder Papa nennen für sie. Pour les gens religieux, tu ne peux pas appeler Jésus-Christ Père ou bien papa. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Verse 31 said, then the Jews took up stones again to stone him. 32. Jesus answered them, many good works have I showed you from my Father. For which of those words do you stone me? 33. The Jews answered him, saying, for a good work, we stone thee not, but for blasphemy, and because that thou, being a man, makest thyself God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Are you getting it, please? Mm. No one can really say They are one with Christ Jesus. Niemand kann sagen, dass er eins ist mit Christus Jesus. Personne n'est capable à dire qu'il est un avec Jésus-Christ. Except us. Nous, oui, amen. Amen. Sauf nous. Amen. Amen. No one can boldly say, Christ and myself, we are one. Keiner kann mutig sagen, Christus und ich, wir sind eins. Personne peut le dire courageux que Jésus-Christ et moi, nous sommes un. Praise the Lord. Hallelujah. You know, you have to know how to be one with somebody. Und es wisst, wie man eins mit jemandem ist. Amen. Amen. Tu dois savoir comment être un avec une personne. Amen. You know, there's a saying in the world, in this world, that show me your friend and I will tell you who you are. Es gibt ein Sprichwort auf dieser Welt, was heißt, zeig mir deine Freunde und dann weiß ich auch, wer du bist. Il y a une phrase qui dit, montre-moi tes amis, je vais te dire qui tu es. Because they believe that you and your friend you are one. Weil sie glauben, dass du deine Freunde, you look similar. Ihr seht gleich aus. Parce que les gens pensent que toi et tes amis vous êtes un parce que vous êtes oui pareil. Vous êtes... We are going to have the same attitude, the same behavior, the same, you know, the same, this, you know, no, just check whatever is going to be the same. The same decision is going to come out from both of you. Ihr werdet die gleiche Angehensweise haben, die gleiche Entscheidung haben, auch die gleiche Art haben. Parce que toi et tes amis, vous êtes presque pareils, vous prenez les mêmes décisions, vous s'habillez pareillement, donc vous êtes presque une personne. We have to stop seeing ourselves. Wir müssen aufhören, uns selbst zu sehen. Man doit arrêter de nous voir nous-mêmes. Amen. Amen. Stop seeing the old man. Hör auf, den alten Menschen zu sehen. Arrête de voir l'homme ancien. Learn to see who you are in the spirit. Lerne zu sehen, wer du im Geist bist. Apprends à voir qui tu es dans l'esprit. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. The just live in the spirit. Denn die Gerechten leben im Glauben. Parce que les justes vivent en esprit. We live by the spirit. Mm-hmm. Wir leben durch den Geist. Et on vit par l'esprit. Amen. The Bible says we are here, but not of here. Die Bibel sagt, wir sind hier, aber nicht von hier. La Bible nous dit que nous sommes ici, mais pas d'ici. In John 8. Johannes 8. Jean 8. Please go to John 8. Johannes 8. Verse 29. 29. Vers 29. Jesus said, and he that sent me is with me. And you know Jesus sent you. Und ihr wisst, dass Jesus euch gesandt hat. Vers 29, dit celui qui m'envoie est avec moi et peut comprendre. He also me, it also me, he is with you. Das heißt, er ist auch bei euch. Et Jésus-Christ nous a envoyé, donc ça montre qu'il est aussi avec nous. Just like Jesus is saying, he that sent me, my father that sent me is with me. Genauso wie you are sagt, never alone. Dass sein Vater, der ihn gesandt hat, auch immer bei ihm ist und du niemals deswegen alleine bist. Amen. Et puis on sait aussi que c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ et puis il était jamais tout seul, puis c'est la même chose aussi avec nous. He said the father had not left me alone, for I do always those things that please him. Praise the Lord. Hallelujah. And we are to be able to say boldly, I do always those things that please him. If you learn to live in the spirit. Amen. Wir müssen mutig sagen können, dass ich allzeit das tue, was ihm wohlgefällt, wenn wir lernen, im Geist zu leben. Et puis on doit être courageux quand on dit que on fait toujours ce qui plaît notre Père, parce que et puis on peut le dire seulement quand nous sommes en esprit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, until you know the truth, you can never be free from lies. Erst wenn wir die Wahrheit wissen, werden wir von Lügen befreit sein. Jusqu'à ce que tu connais la vérité, tu ne vas pas être libre de mensonges. You know, you are a liar when you start seeing your flesh. Du bist ein Lügner, wenn du anfängst, dein Fleisch zu sehen. You be a liar automatic. Du wirst automatisch zum Lügner. Amen. Et quand tu vois ta chair, tu vas être directement un menteur. If you see what you do, you will be a liar. Wenn du auf das schaust, and you are really a liar. Bist du ein Lügner. Et quand bist du wirklich ein Lügner? Et si tu vois ce que tu fais, tu es un menteur. Tu es vraiment un menteur. Amen. Amen. Because you know what, no matter how, you know, no matter you try, your effort is never enough before Satan. Weil egal viel du machst und egal viel du machst, es wird nicht genug sein für den Satan. Parce que tu peux donner ton effort, tu peux faire tout ce que tu veux, mais ça va être jamais suffisant pour le diable. We do something in the kingdom of heaven. Wir tun etwas im Königreich des Himmels. Nous on fait quelque chose au royaume des cieux. We believe what he did for us. Wir glauben an das, was für uns getan hat. Amen. On croit ce qu'il a fait pour nous. And not depending on how much we try for him. Amen. Und verlassen uns nicht auf or what we are doing for him. Viel wir für ihn tun, für Jesus tun. Et on ne dépend pas de ce que nous on fait pour Dieu, on ne dépend pas de notre œuvre. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. It is like us today. Es ist so wie wir heute. C'est comme nous aujourd'hui. You can hardly see anyone that we see. He or she does always do what please Christ. Du wirst nur schwierig jemanden finden, der sagt, dass er immer wieder das tut, was dem Herrn, was Jesus wohlgefällt. Et tu, c'est rare de trouver une personne qui va dire que cette personne ou cette fille, cette garçon fait toujours ce qui plaît Dieu. You know, they always believe that they are not perfect. Weil Menschen immer glauben, dass sie nicht vollkommen sind. Parce que les gens croient qu'ils sont jamais parfaits. In kingdom of heaven, you believe you are perfect. Im Königreich des Himmels glaubst du, dass du perfekt bist. Au royaume des cieux, tu crois que tu es parfait. Because you don't live by sight, you live by faith. Weil du nicht per Sicht lebst, sondern per Glauben. Parce que tu ne marches pas par le vu, mais par la foi. You don't live by what you do, you live by what he did. Du lebst nicht durch das, was du tust, sondern durch das, was er getan hat für dich. Tu ne vis pas à travers ce que tu fais, mais ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Hebrew 11. Hébreu 11. Hébreu 11. Amen. Amen. Even the Old Testament. Das ist im Alten Testament. Même dans l'Ancien Testament. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Verse 5. Hebrew 11:5. Hebrew 11, verset 5. Amen. Amen. It says, by faith, Enoch was translated that he should not see death. Praise the Lord. Hallelujah. It's not common. Das ist nicht üblich. Verset 5, c'est vraiment rare. Amen. He was translated that he will not see death. Er wurde entrückt und hat den Tod so nicht gesehen. Il a été enlevé pour qu'il ne voit pas la mort. That he will not die. Amen. Damit er nicht stirbt. Because you know he was taken from here to like Elijah. So wie Elijah. A chariot just came from heaven. He sat on it and took him off. Eine, that was how he left. Eine Pferdekutsche hat ihn einfach mitgenommen. Et on peut voir si la même chose s'est fait avec avec Élisée. Il a aussi été enlevé de ce monde. Amen. Amen. By faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Praise the Lord. Hallelujah. In the kingdom, how to live in the kingdom of heaven? Wie wir im Königreich des Himmels you leben. Believe that you please God. Indem wir glauben, dass wir Gott gefallen. Et tu vis au royaume des cieux quand tu crois que tu es agréable pour Dieu. You allow your focus to be Christ and you believe you please him. Wir lassen zu, dass unser Fokus auf Christus ist und glauben, dass wir ihm gefallen. Tu laisses ta concentration être Jésus-Christ puis tu crois que tu es agréable à Dieu. Because how to please God is not by what you do. Denn wir gefallen Gott. It is by believing Christ. Durch das, was believing the finished work of Christ, that is how you please God. Sondern indem wir an das fertige Werk von Jesus Christus glauben, das, was er für uns getan hat. Et tu ne plais pas à Dieu parce que tu fais des bonnes œuvres, mais tu plais à Dieu parce que tu crois en Jésus-Christ et puis c'est ça ton œuvre. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In 2 Corinthians 5. 2 Corinthians 5. Please go to 2 Corinthians 5. 2 Corinthians 5. 2 Corinthians 5. Verse 20. Verset 20. Amen. Amen. He said, now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beset you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. He called us ambassador for Christ. Er nennt uns Botschafter von Christus. Il nous appelle les ambassadeurs pour Christ. Amen. Amen. He called us heaven representatives. Er nennt uns Repräsentanten des Himmels. Il nous a appelé les représentants des cieux. Amen. Amen. Amen. He called us heaven representatives. Er nennt uns Repräsentanten des Himmels. Il nous a appelé les représentants des cieux. Amen. Amen. Amen. I don't know when we go deeper into this ambassador of Christ. I have the message, but I've not had time to preach it. Amen? Amen. We are ambassador for Christ. This ministry is his embassy. Wir sind Botschafter für Christus und diese Gemeinde hier ist seine Botschaft. Amen. Et nous sommes des ambassadeurs pour Jésus-Christ et puis cette église est aussi l'ambassade pour Jésus-Christ. It is Christ. Embassy. Das ist die Botschaft von Christus. C'est l'ambassade de Jésus-Christ. Amen. Here belong to Christ Jesus. Dieser Ort gehört Christus Jesus. Et ce lieu appartient à Jésus-Christ. Praise the Lord. Alleluia. Again, just like Jesus said in John 8:24. He said, you will die. Let's go there. John 8:24. Johannes 8. Jean 8, verset 24. 24. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I said therefore unto you that you shall die in your sins. For if you believe not that I am he, you shall die in your sins. Praise the Lord. Hallelujah. He said you will die because without me you will die in your sins. Sagt ohne mich werdet ihr in eurer Sünde sterben. Jésus-Christ nous dit que sans moi vous allez mourir dans vos péchés. It means you will never be saved. Du wirst niemals errettet sein. Tu vas jamais être sauvé. We say it to people. Das sagen wir zu Leuten. On le dit chez les gens. Especially those that, you know, they are living here is fighting. Fighting. With bitterness. With hatred. Allow Satan to use their body as a vessel. To fight the church. Besonders Leute, die die Gemeinde verlassen in Kampf und Streit. Et surtout les gens qui quittent cette église puis qui combattent l'église. Oder im Fleisch, besser gesagt. Ou qui sont dans la chair. We tell them that they are out of heaven. Wir sagen ihnen, dass sie raus sind aus dem Himmel. Et on leur dit qu'ils sont à part du royaume des cieux. Amen. Amen. You cannot be in heaven and be fighting against heaven. Du kannst nicht im Himmel sein und gegen den Himmel kämpfen. Et tu ne peux pas être au royaume des cieux puis combattre contre le royaume des cieux. Amen. You cannot be of Christ and be fighting against Christ. Du kannst nicht zu Christus gehören und gegen Christus kämpfen. Et tu ne peux pas appartenir à Jésus-Christ et puis combattre Jésus-Christ. We tell them they are out of heaven. Wir sagen ihnen, sie sind raus aus dem Himmel. On leur dit qu'ils sont à part du royaume des cieux. Amen. If they are out of us, wenn die raus because sind, we know who we are. Wir wissen, wer wir sind. Parce que nous, on sait qui nous sommes. We and Christ, we are one. Wir und Christus, wir sind eins. Nous et Jésus-Christ, nous sommes un. And they go, the only room they have is repentance. Den einzigen Raum, den sie haben, ist der Raum zu Buße. Et ce qu'ils peuvent faire est de se repentir. Except they repent truly Buße, from their heart. Von ihrem Herzen aus. Not just from their lips. Nicht nur von ihrem Mund aus. Et c'est très important qu'ils se repentent de leur cœur et pas seulement avec qu'ils se repentent avec leur cœur et pas seulement avec leur bouche. You have to know when somebody repents. Du musst wissen, wenn jemand Buße tut. Et tu dois savoir quand quelqu'un se repentit. Amen. And we will know when people repent. Wir werden wissen, erkennen, wenn Leute Buße tun. Et on va le savoir aussi si les gens se repentissent. Through their words and actions. Durch ihre Worte und ihre Taten. À travers ces mots et à travers ses actions. Jesus said, "You shall know them by their fruits." Jesus sagt, durch ihre Frucht werdet ihr sie erkennen. Et Jésus-Christ a dit que vous allez les connaître à travers vos paroles. Amen. À travers nos fruits. Let me quickly say this, please. There are two types of actions. Es gibt zwei Arten von Handlungen. Il y a deux façons des actions. Or you can also call them works. Two types of works. Oder zwei Arten von Werken. Deux façons des œuvres. And that is why when people say they repent, you prove their work. Wenn Leute sagen, dass Somebody sie wenn Leute sagen, dass sie Buße getan haben, dann prüfst du ihre Werke. Et quand les gens ont dit que se sont repentis, tu dois go to James 2. Tu dois juger leur leur James 2 verse 26. Praise the Lord. Alléluia. Jacques 2. Prove their work. Prüfe ihre Werke. Tu dois juger leur œuvre. Jacques 2, verset 26. Remember, Jesus said they worship me with their lips. Erinnert euch, Jesus sagt, their heart is far from me. Sie preisen oder dienen mir mit ihren Lippen, weil ihr Herz ist weit weg von mir. Et Jésus-Christ a dit qu'il me loue, m'adore avec leur bouche, mais leurs cœurs sont loin de moi. They repent with their mouth, but their heart is unrepentant. Sie tun Buße mit ihrem Mund, aber ihr Herz ist ohne Buße. Ils se repentent avec leur bouche, mais leur cœur est loin de moi. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 26 of James 2. Jakobus 2, 26. He said, for as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. Mm. A dead faith. Tote Werke. Toter Glauben. In foi mort. Amen. Amen. If you believe, you act. Wenn du glaubst, dann handelst du auch. Si tu crois, tu agis. Without action, your faith is a dead faith. Ohne Werk ist unser Glaube tot. Sans l'action, ta foi est morte. Without action, your faith is not perfect. Ohne Werk ist unser Glaube nicht vollkommen. Sans action, ta foi est pas parfait. Amen. Amen. In verse 22, look at verse 22. 22. Okay, let's read from verse 21, 22. He said, was not Abraham, our father, justified by works when he had offered Isaac, his son, upon the altar? 22. See thou how faith wrought with his work, and by works was faith made perfect. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Your faith, if you believe without action, wenn du glaubst, your faith is not perfect. Wenn du glaubst, it's a dead faith. Ohne Werke ist dein Glaube tot. Et quand tu crois sans avoir les œuvres, ta foi est morte. Amen. Amen. And that's why somebody say, I repent without action. That is, it means there is no repentance. Wenn jemand Buße tut ohne Werke, dann ist da keine Buße. Et ça veut dire que quand une personne se repent, ça veut dire qu'il y a sans œuvre, ça montre qu'il ne s'est pas repenti. Amen. Amen. Faith and work. Glaube und Werke. La foi et l'œuvre. Your belief and your action. Dein Glauben und dein Handeln. They go together. Gehören zusammen. Ta foi et ton action marchent ensemble. Please remember there is what is called Christ's action. Erinnert euch, dass es etwas gibt, was das Werk von Christus ist. Il y a quelque chose qu'on appelle l'action de Jésus-Christ. Action coming from the Holy Spirit. Das Werk, was vom Heiligen Geist kommt. L'action qui vient du Saint-Esprit. And not of the flesh. Nicht vom Fleisch. Et pas de la chair. Amen. Amen. The flesh can act a lot. Das Fleisch kann viele Werke tun. Et la chair peut aussi donner beaucoup des œuvres. And that's why you prove action. Deswegen prüfen wir Werke. C'est ça pourquoi tu dois juger les actions. Prove their action. Prüfe ihre Werke. Examine leurs actions. And then Jesus said they worship me with their lips. Jesus sagt, sie dienen mir mit ihren Lippen. Jésus dit qu'il me loue avec ses lèvres. But their heart is far from me. Aber ihr Herz ist weit weg von mir. Et leurs cœurs sont loin de moi. Amen. Why? Because of their actions. Wegen ihrer Werke. Pourquoi? Parce qu'à cause de leurs actions. Amen. Praise the Lord. Amen. Because of their action and where that action is coming from. Wegen ihrer Werke und woher dieses Werk kommt. À cause de leurs œuvres, puis d'où leurs œuvres vient. Action can come from Christ. Werke können von Christus kommen. L'œuvre peut venir de Jésus. And that is the true work. Das ist wahrhaftige Werk. Et c'est le vrai œuvre. Action can come from the flesh. Und Taten können auch vom Fleisch kommen. Mais l'action peut aussi venir de la chair. Amen. Amen. If they even have any action. Und wenn sie überhaupt irgendwelche Taten haben. So, même s'ils ont une œuvre. Prove it if it is from Christ or from Satan. Prüfe, ob sie vom Christus sind oder vom Satan. Examine si ça vient du diable ou de Jésus-Christ. In the kingdom of heaven we boast. Im Königreich des Himmels prahlen wir. Au royaume des cieux nous sommes fiers. We boast a lot. Wir prahlen viel. Nous sommes vraiment fiers. Because we are to boast of Jesus. Weil wir mit Jesus prahlen sollen. Amen. Parce que on pontifie avec Jésus-Christ. And we are never to allow anybody to stop us from our boasting. Und niemand sollte uns dieses Prahlen aufhalten. Et personne ne doit nous arrêter d'être fiers de Jésus-Christ. Amen. Amen. We boast, but not of the flesh. Wir prahlen, aber nicht mit dem Fleisch, sondern von Christus. Nous sommes fiers, mais pas à cause de la chair, mais à cause de Jésus-Christ. Amen. Amen. We are to hate when we see boasting in the flesh. Aber wir sollten es hassen, wenn wir das Prahlen des Fleisches sehen. Man doit détester. Second Corinthians 10. On doit détester quand on voit que quelqu'un est fier dans la chair. Praise the Lord. Mm-hmm. Second Corinthians 10. 2 Korinther 10. 2 Corinthians 10. Verse 8. Verset 8. He said, for though I should boast somewhat more of our authority, which the Lord has given us for edification and not for your destruction, I should not be ashamed. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We are not to be ashamed of our boasting. Wir sollten uns nicht schämen für unser Prahlen. On ne doit pas avoir honte de notre glorification. Amen. Amen. Jesus was not ashamed of his boasting. Jesus hat sich niemals geschämt für sein Prahlen. Et Jésus-Christ n'avait pas honte quand il s'est glorifié. He boasted of his father. Er hat mit seinem Vater geprahlt. Il s'est glorifié avec son père. Amen. Amen. My father and I. My father everywhere. Er hat immer über seinen Vater gesprochen. Il a toujours parlé de son père. It means we are not different from him. Das heißt, wir sind nicht anders als er. Ça montre que nous ne sommes pas différents. Because anywhere we go is Christ Jesus. Egal wo wir hingehen, es ist immer Jesus Christus. Parce que partout où nous sommes, il s'agit toujours de Jésus-Christ. Verse 17 of 2 Corinthians 10. 2. Korinther 10, Vers 17. Maintenant, on va lire verset 17. He said, but he that glorieth, let him glory in the Lord. Glory in Christ Jesus. Rühme dich in Christus Jesus. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. In verse 18, he said, for not he that commended himself is approved, but whom the Lord commended. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Don't allow anything to stop your boasting. Lass nicht zu, dass etwas dein Prahlen Christus Jesus hindert. Et ne laisse pas que quelque chose t'arrête de te glorifier en Jésus-Christ. We sound trumpets. Wir werden eine Posaune läuten. Et nous, on chante des trompettes. And we have to sound our trumpets everywhere. Und wir sollten diese Posaune erklingen lassen, egal wo wir hingehen. Et on doit jouer nos trompettes partout où nous sommes. That of Christ and not of the flesh. Posaune von Christus und nicht die des Fleisches. Mais de Jésus-Christ et pas de la chair. Amen. Amen. Remember, Enoch was sound. He sounded our trumpets everywhere. Erinnert euch, Enoch hat diese Posaune immer wieder erklingen lassen. Et même Enoch, il s'est vanté toujours, tout le temps. The Bible said he was giving the testimony everywhere. Er hat das Zeugnis überall geteilt. That he pleased God. Dass er Gott gefällt. Partout où il était, il a partagé le témoignage qu'il plaît à Dieu. And that testimony pleased God. Und dieses Zeugnis hat dem Herrn gefallen. Praise the Lord. Ce témoignage a été agréable à Dieu. Amen. That it pleased God is one. And that he believed he pleased God is another. Mm-hmm. And God was now pleased for that testimony is another. Dass er Gott gefällt und dass er glaubt, dass er Gott gefällt. And was able to say it out. Und in der Lage war, das zu sagen. Das waren Schritte des Glaubens. Et c'est une chose de que tu plais à Dieu, mais c'est encore une autre chose quand toi-même tu crois que tu plais à Dieu, et puis même Dieu, il s'est réjoui dans ce témoignage d'Enoch. Amen. You know, a lot might not even like you. Viele werden dich vielleicht nicht mögen wegen deinem Zeugnis. Et beaucoup de gens vont pas t'aimer pour ton témoignage. Christian Christ is also our testimony. Christus zu predigen ist auch unser Zeugnis. Jésus-Christ aussi notre témoignage. Amen. You know, my daughter go to Salome all the time. And she come home telling me, you know, the testimony she gave in Salome. Meine Tochter geht oft zum Friseur und dort dann erzählt sie mir, wenn sie wiederkommt, was sie dort für Zeugnisse gegeben hat. Et ma fille ici, elle aussi, elle part chaque fois au salon et puis elle partage aussi ses témoignages avec moi. Remember, Christ's gospel is our testimony. Erinnert euch daran, dass das Evangelium von Christus unser Zeugnis ist. Rappelez-vous que que l'Évangile est notre témoignage. Amen. Amen. We are telling them how he saved us. Wir erzählen ihnen, wie uns gerettet hat. Parce qu'on partage comment Dieu nous a sauvés. We are telling them how good he is. Wir erzählen ihnen, wie gut er ist. On partage la bonté de Dieu. We are telling them how he loved them. Wie er sie liebt. Et comment Dieu les aime. We are telling them how he came here to save them. Wie er gekommen ist, sie zu retten. Et comment il est venu pour le sauver. We are telling them how, you know, there is no any other savior except Christ Jesus. Dass es keinen anderen Retter gibt außer Christus Jesus. Et on prêche aux gens qu'il n'y a pas un autre sauveur sauf Jésus-Christ. A lot will not like it. Und viele wird das nicht gefallen. Et beaucoup ne vont pas aimer ce message. Just like where we are going right now. Second Chronicle. Zweite Chronik. Micah. Mika. You know the story of Micah. Ich kenne die Geschichte von Mika. Du chronique l'histoire de Miché. Amen. Amen. His own testimony was the only testimony that was different. Sein eigenes, das Zeugnis, was er gegeben hat, war das einzige, was anders war als der andere. Et son témoignage était différent aux autres. That his testimony was different. You know, does not mean it was wrong. Aber weil sein Zeugnis anders war, hieß es nicht, dass es falsch war deswegen. Et seulement parce que son témoignage était différent, ça ne veut pas que c'était faux. Amen. Mm-hmm. All others, you know, all other professors, you know, the 400 bars, they all prophesied the same thing. Mm-hmm. Die 400 Propheten Bars, sie haben alle was anderes prophezeit. Et les 400 sont prophète de Baal ont aussi prophété des autres choses. You know, Micah knew who he was. Aber Micah wusste, wer er ist. Mais Miché savait qui il est. Amen. Amen. You know, once you are speaking sometime, I see you as Micah. Wenn jemand redet, dann sehe ich euch auch wie dieser Prophet Micah. Et quand vous parlez, je vous vois aussi comme le prophète Miché. How you are telling somebody that except you come to Christ, we cannot be one. Wie wir Leuten ganz klar ins Gesicht sagen, dass erst wenn ihr zu Christus kommt, können wir eins sein. Comme on dit aux gens que quand vous ne venez pas vers Jésus-Christ, on peut pas être un. You know, we want us to quickly read from 1 of 2 Chronicles. I love this very place so much. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. It's very interesting. 2 Chroniques 1. You see how people will hate you. Because of the truth. Wie euch Leute hassen werden wegen der Wahrheit. Zweite Chronik. Et ici on va voir comment les gens vont te détester à cause de la vérité. He said, now Jehoshaphat had riches and honor in abundance and joint affinity Mommy? With wasn't here? Zweite Chronik 18 from verse 1. Sorry. Zweite Chronik 18:1. From verse 1. 2 Chroniques 18, verset 1. He said, now Jehoshaphat had riches and honor in abundance and joined affinity with Ahab. Verse 2. 2. And after 13 years, he went down to Ahab, to Samaria, and Ahab killed sheep and oxen for him in abundance, and for the people that he had with him, and persuaded him to go up with him to Ramon Gilead. And Ahab, king of Israel, said unto Jehoshaphat, king of Judah, wilt thou go with me to Ramon Gilead? And he answered him, I am as thou art, and my people as your people, and we will be with thee in the war. And verse 4, please. And Jehoshaphat said unto the king of Israel, inquire, I pray thee, at the word of the Lord today. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Asked the Lord. In 4 steht, befragt doch den Herrn. Et verset 4 nous dit que demander l'Éternel. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, we can be wrong, we can be right in some area and wrong in another area. Wir können in einigen Bereichen recht haben, anderen unrecht. Amen. On peut avoir raison dans quelque chose, mais à l'autre côté, nous avons tort. You know, King Jehoshaphat did not ask the Lord before he even said yes to this man, to the other king. König Jehoshaphat hat noch nicht mal den Herrn befragt, bevor er überhaupt diesem Mann zugestimmt hat. Et Josaphat n'a pas demandé Dieu avant de coopérer avec l'autre roi, le roi d'Israël. Amen. You don't say yes before you go to the Lord. Du sagst nicht ja, bevor du noch nicht beim Herrn warst. Ne dis pas oui sans avoir parlé avec Dieu. You go to him first before you can say yes or no. Wir gehen erstmal zu ihm, bevor wir ja oder nein sagen. On parle d'abord avec Dieu, après on va dire oui ou non. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Verse 5. Therefore, the king of Israel gathered together of prophets 400 men and said unto them, shall we go to Ramon Gilead to battle, or shall I forbear? And they said, go up, for God will deliver it unto the king's hand. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 6, but Jehoshaphat said, is there not here a prophet of the Lord, beside that we might inquire of him? You know, this man was not satisfied with the 400 prophets' answer. Dieser Mann war nicht zufrieden mit den mit der Antwort dieser 400 Propheten. Et Josaphat n'était pas satisfait avec les réponses de 400 prophètes. Remember, they will come to you for, you know, they will ask you questions. They will ask you, they will come for you to know, to help, to iron out things. Erinnert euch, sie werden auch zu euch kommen, um euch Fragen zu stellen oder euch von Rat sich von euch zu holen. Et même aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens qui vont te demander des questions pour avoir des conseils. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And the king of Israel said unto Jehoshaphat, there is yet one man by whom we may inquire of the Lord, that I hate him. Praise the Lord. Hallelujah. Why did he hate this man? It's not because of this man. Because of the truth. Nicht wegen dem Mann an sich, sondern wegen der Wahrheit, die aus diesem Mann kam. Et pourquoi il a haï cet homme? C'était à cause de la vérité. You know that somebody hates you. Why did they? You know the reason of the hatred. Is it because of Christ? Ist es wegen Christus? Et si quelqu'un te déteste, demande pourquoi il te déteste à cause de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jesus, they also he was hated by the Jews. He was often Juden gehasst. Même Jésus-Christ a été détesté par les Juifs. And don't be surprised if they hate you today. Deswegen seid nicht verwundert, wenn sie dich heute auch hassen. Et ne sois pas surpris quand les gens te détestent aujourd'hui. He said, but I hate him, for he never prophesied good unto me, but always evil. They call the right thing evil. Sie nennen das Richtige, aber böse. Das Gute nennen sie böse. Et les gens, ils appellent le bon mauvais, toujours du mal. He said, the name is Micah, the son of Imla. And Jehoshaphat said, let not the king say so. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Galatians 4:16 said, I might become your enemy because I tell you the truth. In Galater 4:16 steht, bin ich nun jetzt dein Feind geworden, weil ich dir die Wahrheit sage. Et même Galates 4, verset 16 nous dit, je suis devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 8, and the king of Israel called for one of his officers. Verset 8. And said, fetch quickly Micah, the son of Imla. Verse 9. And the king of Israel and Jehoshaphat, king of Judah, sat either of them on his throne, clothed in their robes. And they sat in a void place at the entering in of the gate of Samaria. And all the prophets prophesied before them. Verse 10. This? And Zedekiah, the son of Shenana, had made him horns of iron, and said, thus said the Lord, with this thou shalt push Syria until they be consumed. Praise the Lord. Hallelujah. You know what is coming from the prophet? Was von dem Propheten kommt. Amen. Amen. Praise the Lord. Verse 11. And all the prophets prophesied so, saying, go up to Ramoth Gilead and and prosper. For the Lord shall deliver it into your hand of the king. Verse 12. And the messenger that went to call Micah spake to him, saying, behold, the words of the prophet declare good to the king with one accent. Let thy word, therefore, I pray thee, be like one of theirs, and speak thou good. Praise the Lord. Hallelujah. You know, when people come to me for things, wenn Leute zu mir kommen wegen Dingen, et quand les gens viennent chez moi pour des choses, to ask me, you know, to help them to take decision, und or what the Lord have for them. Sometimes, I, you know, especially if you have made up your mind, for me to tell you the truth, or just tell you what is really what it is. Sometimes I find it even difficult because I can see that your mind has been made up. Es fällt mir schwer, euch die Wahrheit zu offenbaren, wenn ich sehe, dass ihr mit einer Bitte kommt, ihr in eurem Herzen euch aber schon entschlossen habt, welchen Weg ihr gehen werdet. Et quand par exemple vous venez vers moi pour me demander la volonté de Dieu, j'ai des difficultés à vous dire la vérité parce que très souvent vous avez déjà pris la décision de faire votre propre volonté, de suivre votre choix. Praise the Lord. Amen. In verse 13, Micah said, verset 13, as the Lord liveth, even what my God said, that will I speak. Verse 14. 14. And when he was come to the king, the king said unto him, Micah, shall we go to Ramoth Gilead to battle, or shall I forbear? And he said, go ye up and prosper, and they shall be delivered into your hand. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I do it sometimes. Das tue ich auch exactly what this man did. Das, was Micah hier gemacht the hat. Prophet. Amen. I'll just tell you it's okay. Ich werde dir sagen, es because I know that you have made up your mind. Weil ich weiß, dass ihr schon entschlossen habt, diesen Weg einzugehen. Ich kann dir dann die. If I tell you, you know, if after it's like somebody traveling, after buying ticket, buying planning everything, and you are not coming, am I to go? Help me to ask the Lord if I'm to go. To go where? To go for the journey. The journey that you have bought the ticket, you have booked for a hotel, you have done everything, and now you are coming. Ist genauso wie jemand, der schon Tickets gekauft, Flugtickets gekauft hat und schon sein Hotel gebucht hat und alles schon fertig hat und dann zum Herrn geht und fragt, Herr, soll ich überhaupt verreisen? Was erwartest du vom Herrn, was er dir dann sagt? Et c'est que Michel explique ici dans verset 14 la même chose que je fais aussi. Parce que quand, par exemple, quelqu'un vient vers chez moi pour me demander la volonté de Dieu si cette personne doit voyager ou pas, après avoir déjà acheté les tickets, puis tout organisé pour les vacances, c'est difficile à dire la vérité parce que tu as déjà pris ta décision. You know, you have some, you know, somebody you believe that you have him as a husband, that is, you are going to marry. And you come to me, your heart is so soaking in it. And you are coming to me and ask, is he the right person? What do you expect from me? As you say, no. Oder genauso, wenn, I make you sad. Du dich schon entschlossen hast, eine bestimmte Person zu heiraten und du dann zu mir kommst und fragst, ob das überhaupt die richtige Person ist für dein Leben. Ja, was erwartest du, was ich sagen soll, wenn ich doch schon weiß, dass du dich schon fest entschlossen hast, dass diese Person unbedingt sein muss? Ou quand tu viens, par exemple, vers moi et puis tu me dis que tu as quelqu'un que tu veux marier, qu'est-ce que tu penses que je vais te dire? Parce que toi, tu as déjà pris la décision que c'est l'homme que Dieu t'a donné. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. Verse 15. Verset 15. And the king said to him, how many times shall I adore thee? That thou say nothing but the truth to me in the name of the Lord. You know, do you really want to hear the truth? Willst du die Wahrheit wirklich hören? Willst du vraiment attendre la vérité? Praise the Lord. Amen. You know, amen. Amen. If the Lord can be confused, the people will confuse Jesus. Wenn man they will confuse the true God. Verwirren if könnte. He can be confused. Dann würde er verwirrt sein, aber man kann ihn ja nicht verwirren. But I thank the Lord that I thank him that they cannot confuse him. Ich danke dem Herrn, dass nobody can confuse him. Dass niemand ihn verwirren kann. Amen. Amen. Et si par exemple Dieu est une personne qui peut être brouillée, là Dieu voulait être brouillé déjà depuis longtemps à cause de l'homme. Praise the Lord. Amen. You know, this king was the one that said he always prophesied evil. He never prophesied any good thing. And now he's prophesying good thing. And you are saying he's lying. What do you really want? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Und wie gesagt, du hast gesagt, dass du diesen Propheten hast, weil er immer das Böse offenbart und nicht das Gute. Und jetzt offenbart er dir das nach deiner Meinung nach Gute und du sagst, er lügt. C'est la même chose comme Josaphat. D'abord, il dit qu'il déteste Miché parce qu'il dit toujours la vérité. Mais après, quand Miché ne dit pas vraiment la vérité, il est fâché parce que Miché dit ce que lui-même il voulait écouter, il voulait attendre. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 16. Verset 16. Then now open his mouth. Und hat er seinen Mund geöffnet. Yes, yes, yes. Michel, die and now upon the truth. Und hat er die Wahrheit offenbart. And now reveal the truth. Amen. Amen. Verse 16. 16. Then he said, I did see all Israel scattered upon the mountains, as sheep that have no shepherd. And the Lord said, these have no master. Let them return, therefore, every man to his house. In peace. Verse 17. He said, and the king of Israel said to Jehoshaphat, did I not tell you that he will not prophesy good unto me but evil? I don't know if you are getting something here. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again he said, therefore, verse 18. 18. Hear the word of the Lord. I saw the Lord sitting upon his throne, and all the hosts of heaven. Papa, can you help us to read verse 18? Again he said, therefore, hear the word of the Lord. I saw the Lord sitting upon his throne, and all the host of heaven standing on his right hand and on his left. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 19. And the Lord says, who shall entice Ahab, king of Israel, that he may go up and fall at Ramoth Gilead? And one speak saying after this manner, and another saying after that manner. Verse 20. Then there came out a spirit and stood before the Lord and said, I will entice him. And the Lord said unto him, wherewith? Verse 21. And he said, I will go out and be a lying spirit in the mouth of all his prophets. Mm-hmm. And the Lord said, thou shalt entice him, and thou shalt also prevail. Go out and do even so. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. You know, people love prophets. They run to prophets. Leute lieben Propheten und rennen zu Propheten. Et les gens aiment les prophètes et puis ils cherchent aussi les prophètes. You know, this prophet said he's prophet. C'est un prophète. C'est prophète. He did not say the prophet of the Lord, but his prophet. Mm. I don't see the difference here. Et puis ici, n'a pas dit le prophète de Dieu, mais son prophète. Amen. Amen. It's your prophet. Who you call prophet, is he prophet of the Lord? Or your prophet? Person, die du Prophet nennst, der Prophet des Herrn, oder dein Prophet? Et la personne que tu appelles prophète, est-ce que c'est le prophète de Dieu ou ton propre prophète? Amen. Verse 22. 22. Now therefore, behold, the Lord hath put a lying spirit. Who is speaking here? Micah. Micah is telling them that the Lord hath put a lying spirit in the mouth of your prophet, and the Lord has spoken evil against thee. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. You can see what Micah is testifying. Sehen, what he's saying to the king, hier, revealing to the king. Offenbart, dem König offenbart, dass hier ein Lügengeist im Spiel ist. Et on peut voir ce que Micha est en train de révéler. Il révèle qu'il y a un esprit de mensonge dans le prophète. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Then, in verse 23. 23. Verset 23. Then, Zedekiah, the son of Shanana, came near and smoked Micah upon the cheek and said, which way went the spirit of the Lord from me to speak unto thee? Praise the Lord. Amen. You know, all those prophets, the 400, they were not prophet of Baal. Actually, they're supposed to be the prophet of the Lord. Amen. Amen. But then we are working for man and not for Christ. Mm-hmm. And not for God. Propheten waren keine Propheten vom Baal, also keine Propheten des Satans. Aber sie waren eigentlich Propheten für den Herrn, aber sie haben für Menschen gearbeitet und nicht für den Herrn. Mm-hmm. Normalement, il ne fallait pas que ces prophètes soient des prophètes de Baal, mais ici on peut voir qu'ils ont travaillé pour l'homme et c'est pourquoi ils ont été appelés les prophètes de Baal et pas de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. And Micah said, behold, thou shalt see on that day 24. Where thou shalt go into an inner chamber to hide yourself. 25. Then the king of Israel said, take you, Micah. Amen. Mm-hmm. Take you, Micah, and carry him back to Ammon, the governor of the city, and to Joash, the king's son. Verse 26. And say, thus said the king, put this fellow in the prison, and feed him with bread of affliction, and with water of affliction until I return in peace. Verse 27. And Micah said, if thou certainly return in peace, then hath not the Lord spoken by me. And he said, hearken all ye people. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. You know, here Micah knew who he was. Er wusste, wer er ist, ja. Michel, il savait qui il est. And he was able to speak boldly. Dass er war in der Lage, mutig zu sprechen. Et il était capable à parler courageux. He was not afraid of anything. Er hatte keine Angst vor nichts. Il avait peur de rien. Amen. Amen. 400 prophets versus just a prophet. 400 Propheten versus ein Propheten. 400 Propheten contre un prophète. Amen. Praise the Lord. Amen. Quantity should never threaten you. Die Quantität sollte dich niemals bedrohen. I don't know if you are getting la it. Ne doit jamais vous menacer. Don't allow any quantity to threaten you. How many they are. Nicht zu, dass dich die Quantität bedroht oder einschüchtert. Et ne laisse pas que la quantité te menace. You might be in a place you are just alone there. Du bist vielleicht in einem Ort und bist alleine. Peut-être tu es quelque part où tu as peur. All you have to remember is as Christ is, so are you. Du musst dich erinnern, so wie Jesus ist, so bist du. Rappelle-toi que comme Jésus-Christ est, c'est comme ça tu es aussi. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Speak boldly. Spreche mutig. Et parle courageux. Remember whose son you are. Erinnere dich, wessen Sohn du bist. Rappelle-toi le fils de Dieu tu es. There might be how many, no, no, there might be uncountable, but one with Christ is majority. Amen. Vielleicht sind sie unzählbar, aber wer mit Christus ist, immer in der Mehrzahl. Amen. Et peut-être tu n'es même pas capable à compter les gens qui sont devant toi, mais toi avec Jésus-Christ dans la majorité. Amen. You know, as he was revealing things to this other prophet and the king, and the kings, that's Micah. Amen. Those prophets might even see Micah be proud, be arrogant. Diese Propheten haben Micah vielleicht als arrogant und hochnäsig und stolz gesehen, weil er halt zu dem steht, was er sagt und sich eben nicht einschüchtern lässt von dem, was die anderen 400 sagen. Et peut-être les autres 400 prophètes ils pensaient que Michel est une personne très orgueilleuse parce qu'il était très sûr avec ce qu'il disait. But Micah was the truth, and he was after the truth. Micah war die Wahrheit und er war hinter der Wahrheit her. Mais Michel était à travers de la vérité, derrière la vérité. Après la vérité. Après la vérité. We are so full of Christ. Wir sind voll von Christus. Nous sommes pleins de Jésus-Christ. Amen. Amen. And we say it. Und das sagen wir. Et on le dit aussi. To the world. Zur Welt. On le dit au monde. We are Christ and we are proud. Wir sind Christus und wir sind stolz. Nous sommes Jésus-Christ, nous sommes fiers. It is no longer black and proud, but Christ and proud. Es ist nicht mehr Hautfarbe und stolz, sondern es ist Christus und stolz. On dit plus que nous sommes fiers à cause de notre couleur de peau, mais à cause de Jésus-Christ. Amen. Just like Christ Jesus. So wie Christus Jesus. Comme Jésus-Christ. He was so full of his Father. Er war voll von seinem Vater. Il était rempli de son Père. He hardly said a word without measuring his Father. Er hat kaum ein Wort gesagt, ohne seinen Vater dabei zu benennen. Il ne disait pas, il ne pouvait pas parler sans mentionner son Père. They hate him for it. Sie haben ihn deswegen gehasst. C'est pourquoi Jésus-Christ était détesté. He was hated for not separating himself from his Father. Er wurde gehasst, weil er sich nicht vom Vater getrennt hat. Il a été détesté parce qu'il ne s'est pas séparé de son Père. His Father was his confidence. Sein Vater war seine Zuversicht. Et son père a été sa fierté. Just like our Father is our confidence, Christ Jesus. Unser Vater, unsere Zuversicht ist. So comme ça, nicht Zuversicht, Confidence. Ich guck mal gerade. Comme Jésus-Christ est notre fierté. Confidence, that's what we're saying. Just before. Yeah. Confiance. Yeah. Confiance? Oh, that's what we're saying then. Praise the Lord. Hallelujah. He said, "We can do nothing without Him." Er sagt, wir können ohne ihn nichts tun. Là, sans lui, on peut rien faire. This also means with him we can do everything. Das heißt, mit ihm können wir alles tun. Amen. Ça veut dire aussi avec lui, on peut tout faire. You know, in John 16, he said he's never alone. In Johannes sagt, er ist niemals alleine. Même dans Jean, il dit qu'il est jamais tout seul. He said his father never leave him. Er sagt, sein Vater verlässt ihn niemals. Amen. Et il dit que son père le quitte jamais. The same with us today. Und das gleiche gilt auch für uns. Et la même chose avec we are never alone. Wir sind niemals alleine. Nous sommes jamais toutes seules. Our father never leave us, never forsake us. Unser Vater verlässt uns niemals, er lässt uns auch niemals im Stich. Et notre père, il nous laisse jamais, puis nous abandonne aussi jamais. In Matthew 28, he said, he is with us forever. In Matthäus 28 sagt er, dass er für immer bei uns ist. In Matthäus 28, il nous dit qu'il est avec nous pour toujours. In John 14, he said, he and his father will come and make a home in us. Er sagt, sein Vater und ich, sie werden ein Zuhause in uns machen, sie werden Wohnungen in uns machen. Et Jésus-Christ et son Père, ils ont dit qu'ils vont venir en nous pour s'habiter en nous. Amen. Pour avoir une maison en nous. Go to 1 John 3, please. 1 Johannes 3. 1 John 3, please. 1 Jean 3. Praise the Lord. Alléluia. Verse 1. It says, behold what manner of love the Father has bestowed upon us that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not. Praise the Lord. Hallelujah. Because it knew him not. He said the world cannot know him. Die Welt kann ihn nicht kennen. Le monde ne peut pas connaître Jésus-Christ. But we know him. Mais nous, Amen. On le connaît. Amen. Amen. The world cannot know us. Die Welt kann uns nicht kennen. Le monde ne peut pas nous connaître. But he know us. Aber er kennt uns. Mais lui, il nous connaît. Amen. Is somebody getting it? Amen. Amen. The world cannot know him, but we know him. Die Welt kann ihn nicht erkennen, aber wir kennen ihn. Le monde ne peut pas connaître Dieu. They cannot know us, but he know us. Amen. Sie können uns nicht erkennen, aber er erkennt uns. Le monde ne peut pas nous connaître, mais Dieu nous connaît. It is only those that are of the truth that know us. Nous dit von der Wahrheit sind kennen uns. Seulement eux qui sont de la vérité nous connaissent aussi. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Remember when we say the truth, it is always what Christ called the truth. Wenn wir Wahrheit sagen, geht es um das, was Christus Wahrheit nennt. Quand on parle de la vérité, on parle de ce que Jésus-Christ appelle la vérité. Amen. Amen. Those that know what Christ called the truth will surely know us. Und die wissen, was Christus Wahrheit nennt, werden uns auch erkennen. Et les gens qui connaissent que ce que Jésus-Christ appelle la vérité vont aussi nous connaître. Amen. Amen. The world cannot also hear us. Die Welt kann es auch nicht hören. 1 John 4. Since we are close to there, let's go there. Amen. 1 John 4. 4-6. 1 Jean 4, 4-6. He said, you are of God, little children, and have overcome them. Because greater is he that is in you than he that is in the world. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If we allow all this to be in our heart, we will not be worried. Wenn wir zulassen, dass das in unserem Herzen ist, dann werden wir uns um nichts Sorgen machen. Amen. Et si on laisse toute cette vérité être en notre cœur, on va pas se faire des soucis de quelque chose. Before problem comes, those problems have been solved. Bevor Probleme kommen, ist dieses Problem schon gelöst. Avant que le problème vienne, ils ont été déjà résolus. Amen. Praise the Lord. Amen. You are of God. Little children, and have overcome them. Quatre. You have overcome them. Overcome überwunden. What? Überwunden. Whatever is outside there. Was immer da draußen ist. Amen. Amen. Whatever the problem is. Was immer das Problem ist. Don't allow it to control your joy, lass your peace. Nicht zu, dass deine Freude und dein Frieden rest. Kontrolliert. Dein, you're trusting the Lord. Continue to trust him. Herrn just vertrauen. Like Joseph, we watch. watch the film today also. Genau wie Joseph. Praise the Lord. Halleluja. Just like Joseph. So wie Joseph. Amen. In spite of all the problems. Are you getting trotz it? Trotz der ganzen Probleme. Tu te trouves, mais n'importe quel problème tu as, tu dois être sûr et puis conscient que tu as déjà vaincu le monde à travers de Jésus-Christ. Ne laisse pas que tous tes problèmes te volent la joie et ta paix. Your father never disappoints anybody. Amen. Enttäuscht niemanden. Parce que ton père, il ne déçut personne. Amen. He obeys his own word. He must obey his own word. Muss sein eigenes Wort, er muss seinem eigenes Wort gehorchen. Il doit obéir à sa propre parole. He said, greater is he that is in you than he that is in the world. Amen. But we don't see it that way. We believe the problem is bigger than us. Aber leider sehen wir das nicht so. Wir denken, dass das Problem größer ist als wir. Amen. Le problème que nous avons, c'est pas plus grand que Dieu. Amen. Amen. There's no problem bigger than Jesus. Parce que aucun problème est plus grand que Jésus. Amen. The Lord did not say there will be no problem. That you will not, you know, that there will be no tribulation. Der hat nicht gesagt, dass es keine Bedrängnis geben wird. Jésus-Christ n'a pas dit que tu vas pas avoir des tribulations. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you have promised there will be no tribulation and you are having tribulation. If you have promised there will be no problem and you are having problem, then there is a problem. Yeah. Hätte er versprochen, dass es keine Bedrängnis und keine Probleme gibt und du dann in Bedrängnis ein Problem bist, dann gibt es ein Problem, dann gibt es einen Widerspruch. Et si Jésus-Christ n'allait pas promis que tu vas avoir de la tribulation, là c'est ça où le problème se trouve, mais parce que Jésus-Christ a déjà promis que tu auras des tribulations, c'est là où tu vois qu'il dit toujours la vérité. As far as your focus is Christ, any problem that comes, know that he that is in you is greater than it. Amen. Man muss wissen, dass der in dir ist größer als der in der Welt. Et quand tu te trouves dans un problème, puis ta concentration est vers Jésus-Christ, tu vas savoir que lui qui est en toi est plus grand que le monde. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 5, it said, they are of the world. Therefore, speak they of the world. Verset 5. What do we speak? Do we speak like that? Sprechen wir so wie die Welt. Amen. Est-ce que nous on parle comme le monde? Non. Do we take decisions like that? Do we think like that? Denken wir so wie sie. Est-ce qu'on prend les décisions comme eux? On pense comme eux? Do we know what they love? Is so sweet. Do we love what they love? Lieben wir, was admire what they admire. Und bewundern, was sie bewundern. Amen. Et c'est la même chose, est-ce que nous on désire ce que le monde désire ou bien on... Oui. On admire. On admire ce que le monde admire. You better run away from their system. Fliehe lieber vor ihrem System. Tu dois fuir de leur système. You better hate their system. Hasse ihr System. Tu dois détester leur I système. I hope you still know their system. Compare yourself to them. Dich mit ihnen zu vergleichen. See what others have and compare it to what you are. See their level where they are in the natural world. What they have achieved and you compare it to yours. Dich mit diesen Leuten vergleichen. Joseph never did that. Joseph hat das niemals gemacht. Amen. Amen. It is forbidden in the kingdom of heaven. To do that. Et c'est interdit de te comparer avec les autres que tu compares ce qu'eux ils ont réussi dans ce monde et puis ce que toi tu y as. Et puis on peut clairement voir que même Joseph ne l'a pas fait. Praise the Lord. You know, if you look at Joseph, let me just use him as an example. Amen. Joseph beispielsweise. Amen. Joseph, par exemple. If you look at him, you know Potiphar. Potiphar. Amen. Potiphar, amen, was the master. Er war der Meister. Potiphar était le maître. He was once the master. Er war einst sein Meister. Potiphar a été le prophète, le maître de Joseph. Amen. Mm-hmm. And Joseph later became, he now became the master of Potiphar. Und später wurde Christ. You never choose Christ. Joseph. Zum Meister von Potiphar, weil er sich für Christus entschieden hat. Et parce que Joseph s'est décidé pour Jésus-Christ, il est même devenu après le maître de son ancien maître, Potiphar. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Don't do things that are forbidden in heaven. Tue nicht Dinge, die im Himmel verboten sind. Du bist im Himmel. Amen. Don't. Ne fais pas les choses qui sont interdites au royaume de Dieu. Tu es au royaume de Dieu. You know what is forbidden in heaven? To be worried. Was verboten ist im Himmel, sich Sorgen zu machen. Tu sais ce qui est interdit au royaume de Dieu, c'est de faire des soucis. To be worried. Sich Sorgen machen. That's why Jesus warned us against this in Matthew 6. Take no thought. Deswegen hat uns Jesus auch gewarnt in Matthäus 6, dass wir uns keine Gedanken machen sollen um die Dinge, über die sich die Heiden Gedanken machen. Et c'est pourquoi dans Matthieu Jésus-Christ nous a dit aussi ne vous faites pas de soucis. Amen. Comme les païens. God hates it. Gott hasst das. Dieu déteste les soucis. Amen. Amen. You are telling him he can do nothing. Du sagst ihm damit, dass er nichts tun kann. Parce que tu lui dis qu'il peut rien faire. You are telling him he is not your Lord. Dass er nicht dein Herr ist. Et tu lui dis qu'il n'est pas ton père. You are telling him that he can do nothing. Dass er nichts tun kann. Seigneur. Dass er nichts getan hat. Et tu lui dis aussi qu'il n'a rien fait. When he has already said to you that before whatever, you know, he never creates you without, you know, you have to know his system. His system is so wonderful. Wir müssen sein System kennen. Sein System ist vollkommen und gut. Das System des Herrn. Et tu dois vraiment connaître le système de Dieu parce que c'est tellement bon. Amen. Amen. You know, before he created the world. Bevor er die Welt erschaffen hat. Avant qu'il a créé le monde. He created everything before he created man. Also er hat alles erschaffen, bevor er Menschen erschaffen hat. Il a tout créé, tout préparé avant avoir créé l'être humain. He did not create man before creating the house, you know, the garden, the tree, and you understand? If not, man could have been jumping up and down. Yeah, let there be trees. Maybe tree is where he's going to. He's standing. We just jump. Oh, tree is coming. You can see. He will just. The house is coming. The river is coming. Let me run away from here. Are you getting it? He make every, you know, anywhere he wants you to be. He make there how he wants it to be. That you will go there and enjoy it. Und you really want you to enjoy. Er hat beispielsweise auch die Menschen nicht vorher erschaffen, weil hätte er sie vorher erschaffen, dann hätten die Menschen auf einer riesigen Baustelle gewohnt. Ne? Also die ganze Zeit wäre irgendwas umgebaut worden oder irgendwas eingepflanzt werden. Die Leute müssten wieder umziehen, müssten wieder sich oder die ganze Zeit im Dunkeln leben, weil erst am vierten Tag das Licht kommt oder sonstiges. Es gab viele Hindernisse und Schwierigkeiten, aber weil er wollte, dass wir uns einfach ausruhen, in sein fertiges Werk, hat er erstmal alles vorbereitet und uns dann erschaffen da rein. Und so arbeitet der Herr. Et parce que Dieu ne voulait pas que l'homme soit dans un grand chantier, il a d'abord tout préparé, il a d'abord tout créé pour l'homme. Et c'est après avoir tout accompli, c'est là où il a installé l'homme au jardin. Parce qu'il savait que si il crée d'abord l'homme, là où l'homme voulait toujours fuir parce qu'il y a toujours quelque chose qui voulait sortir de la terre. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 5 of 1 John 4. He said, they are of the world. Therefore, speak they of the world. And the world heareth them. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We are of God. He that knoweth God heareth us. He that is not of God heareth not us. Hereby we know the spirit of truth and the spirit of error. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. You cannot come to this ministry and be the same. Du kannst diese Gemeinde besuchen und gleich bleiben. Et tu ne peux pas venir dans cette église puis rester le même. You cannot come to this ministry and remain here fully. You know, remain in this ministry fully and not be saved. Du kannst in dieser Gemeinde vollständig sein und nicht errettet sein. Tu ne peux pas être dans cette église puis rester dans cette église sans être sauvé. Just like you cannot come to Christ and not be saved. Genauso wie du nicht zu Christus kommen kannst, ohne Errettung zu empfangen. Comme tu ne peux pas venir vers Jésus-Christ sans avoir être sans avoir recevoir le salut. Amen. Amen. You cannot come to Christ and remain in Christ and not be saved. It's not possible. Nicht zu Christus kommen und nicht und Christus bleiben und nicht errettet werden. Das ist unmöglich. Tu ne peux pas venir vers Jésus-Christ et ne peux pas être sauvé. You cannot come to Christ and remain in Christ and not be healed. It's not possible. Christus kommen und I'm telling you what is not possible ohne, in the geheilt zu sein. Et tu ne peux pas venir vers Jésus-Christ, rester en Jésus-Christ, tu ne peux pas être sauvé, guéri, c'est impossible. You cannot come to Christ and remain in Christ and not prosper. Und das Gleiche geht auch für Erfolg. Et c'est la même chose pour la prospérité. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to John 6, please. Johannes 6. Jean 6. You cannot come to Christ and remain in Christ and not have life. Du kannst nicht zu Christus kommen und in Christus sein, ohne Leben zu empfangen. Tu ne peux pas venir vers Jésus-Christ, rester en Jésus-Christ, puis pas recevoir la vie. Amen. You are either alive or you are dead. Entweder bist du am Leben oder tot. Soit tu es en vie ou tu es mort. You either have life or you have death. Entweder hast du Leben oder tot. Soit tu as la vie ou la mort. There is no number three. Es gibt keine dritte Option. Il n'y a pas une troisième option. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. John 6. Johannes 6. 53-61. Praise the Lord. Jean 6, 51-53. Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Praise the Lord. Amen. 53-61. Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. It means you cannot come to him and believe in him with your full, with your whole heart and not have life. Ihr könnt nicht zu ihm kommen und nicht mit vollem Herzen daran glauben und nicht errettet sein. Donc ça montre que tu ne peux pas venir vers Jésus-Christ et puis le croire avec ton cœur et puis ne pas être sauvé. Verse 54. Tanya should help us to reach. 54. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn aufwecken am letzten Tag. Jennifer, verse 55. Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. 55. For my flesh is meat, indeed, and my blood is drink, indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me and I in him. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. As the living Father has sent me, and I live by the Father, so he that eateth me, even he may live by me. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see what he's saying? He's talking about his Father, and he's talking about himself, and he's talking about us. Er spricht über seinen Vater, 57. Über uns und sich selbst. Dans 57, Jésus-Christ parle de lui, de son père et de nous. As the living Father has sent me, and I live by the Father, so he that eateth me, even he shall live by me. Praise the Lord. Amen. This is that bread which came down from heaven, not as your father did eat manna, and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Two bread from heaven. Zwei Brote aus one dem is Himmel. Salvation, one the other Eins is not. Errettung und das andere nicht. Deux pains de cieux, l'autre, le un est le salut, l'autre n'est pas le salut. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting it? Two bread. That something is from heaven does not mean it's salvation. Nur weil etwas aus dem Himmel kommt, heißt nicht, dass es Errettung ist. Seulement parce que quelque chose vient du ciel, ça ne veut dire pas que c'est le salut. Amen. Amen. And 59 and 60. Yeah. He said, "These things said he in the synagogue as he taught in Capernaum. Many therefore of his disciples, when they had heard this, said, 'This is an hard saying. Who can hear it?'" When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, "Does this offend you?" Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, when you guys say something, when I don't know, sometimes I see how people they do their face. They are, I can see murmuring in people's faces. Amen. Praise the Lord. Wenn ich Sachen sage, dann sehe ich manchmal ein Murren im Gesicht der Menschen. Et quand je dis quelque chose, je peux voir comment les gens sont en train de murmurer. Amen. Amen. Again, he said, "If you eat my flesh and drink my blood, it is a must. You must have life." Er sagt, wenn ihr mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, dann müsst ihr Leben haben. Et Jésus nous dit ici que quand on mange, quand quelqu'un mange sa chair et puis il boit aussi son sang, il doit avoir la vie éternelle. You must have life and not death. Tu musst Leben haben und nicht Tod. Tu dois avoir la vie et pas la mort. In verse 53, look at verse 53, it's very important. Verse 53. Then Jesus said unto them, "Verily, verily, I say unto you, except this very place, except it means without it. Wenn ihr nicht, you are not saved. Das heißt, es ist eine, das ist eine Verneinung. Eine Pflicht. Notwendigkeit, Bedingung. Genau, eine Bedingung. Genau, es ist eine Bedingung, dass wenn ihr nicht das Fleisch isst und das Blut trinkt, so werdet ihr das Leben nicht haben. Et même ici, on peut voir dans verset 53 que Jésus-Christ nous donne une condition. Donc, si on ne mange pas sa chair, on ne peut pas être sauvé à la fin. Are you getting it? Amen. Except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Amen. Except. Are you getting it? Amen. Except you eat me. It means without eating me, you are dead. Das heißt, ohne, wenn ihr Jesus nicht isst, no seid ihr tot. You don't have life. Donc ça montre que si tu ne manges pas Jésus-Christ, tu es mort, tu n'as pas la vie. Amen. Amen. In verse 58, he compared Moses to himself. In Vers 58 hat er Mose mit sich verglichen. Et dans, il s'est aussi comparé avec Moïse. Amen. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He compared Moses to himself. Er hat sich mit Mose verglichen. Il s'est comparé à Moïse. Through Moses, they got the bread from heaven, the manna. Durch Mose haben Amen. Sie das Brot des Himmels bekommen. À travers Moïse, le peuple d'Israël a reçu le pain de cieux. Two bread from heaven. Zwei Brote aus dem Deux Himmel. Pain de cieux. One is life, the other is death. Eins Leben und das andere Tod. Un est la vie, l'autre est la mort. No matter how you eat the other, you cannot be saved. Egal wie viel du von dem einen isst, du wirst nicht errettet. N'importe comment tu manges l'autre pain de cieux de Moïse, tu ne peux pas être sauvé. Look at verse 35 of the same chapter. 35. Jean 6, verset 35. And Jesus said unto them, are we there, please? I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. And he that believeth. You know, this man is either the true God or he's a big liar. Entweder ist dieser Jesus der wahrhaftige Gott oder ein großer Lügner. Soit Jésus-Christ est le vrai Dieu ou il est un grand menteur. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. He never said, go to God. He said, come to me. That alone will tell you that this man is God. Jésus-Christ, il n'a pas dit, partez vers Dieu, mais il a toujours dit, venez vers moi, et ça, ça montre qu'il est le vrai Dieu. I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. Are you getting it? Mm. And he that believeth on me shall never thirst. Amen. Here is just belief. Hier sagt der Glauben. To drink him is to believe him. Ihn zu trinken heißt ihn zu to glauben. To eat him is to believe him. Ihn zu essen heißt ihn zu glauben. De croire et de boire et de manger Jésus-Christ, ça montre que tu crois en Jésus-Christ. How to eat and drink him is by believing him. Wir essen und trinken ihn, indem wir an ihn glauben. Tu manges et puis tu bois Jésus-Christ quand tu le crois. No wonder in John 6, this same John 6, look at it. You know, they asked him which work they are to do. Haben die Leute ihn gefragt, welche Werke sie tun müssen. Et les gens ont demandé Jésus-Christ quelles œuvres ils doivent faire. Look at it from verse 28. Verse 28. This said they unto him, what shall we do that we might work the works of God? Mm. Praise the Lord. Those people that are looking for work to work for Christ. Die Leute, die nach Arbeit suchen für den Herrn. Les gens qui cherchent l'œuvre à faire pour Dieu. Amen. Amen. That are looking for work to work for Christ. Die nach Arbeit, nach einer Sache suchen, die sie für Christus tun können. Qui cherchent quoi faire pour Dieu. Until they are doing something, they never believe they are working for Christ. Wenn sie etwas tun, dann glauben sie, dass sie für Christus wirklich arbeiten. Beaucoup les gens pensent que c'est leur belief. Amen. Amen. Beaucoup les gens pensent que quand ils fassent quelque chose, amen. Quand ils font quelque chose pour Dieu, c'est là où ils donnent l'œuvre à Dieu. You know, as I said, when I'm not 28 or 29, I will be doing this for God. I will be doing this for God. Does he? Is that what he sent you? Did he want that from you? All he want from you is believe me. Alles, was er von dir möchte, ist ihm zu glauben, weil oft hat man sich schon in den Kopf gesetzt, wenn ich 28 bin oder 30 bin oder sonstiges bin, möchte ich gerne große Dinge für Gott machen in der Welt. Aber ist es das, was er dir gesagt hat, was du tun sollst? Hat er dich dazu berufen oder hat er dir einfach nur gesagt, glaub an ihn? Et dans ce monde, beaucoup de gens ont toujours un projet pour Dieu. Ils disent, quand j'ai 28 ans, 29 ans, je vais faire ceci et cela pour Dieu. Mais demande-toi, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu t'a mis au cœur ou c'est toi-même que tu veux faire, ce que tu veux faire avec ton propre intelligence? Amen. Others are doing this for God. They are doing this. They are printing paper. They are writing books. Andere Leute schreiben Bücher. They are doing this. They are doing that. Machen Filme, machen große Sachen und machen. But he says, you believe me. Aber er sagt, that's what he wants glaub from mir me. Einfach. That's all. Amen. Amen. Verse 29. Amen. Jesus answered and said unto them. Oh, sorry, Shannon. Et les autres, ils écrivent, par exemple, des livres pour Dieu. Ils font des grands projets pour Dieu. Mais Dieu t'a seulement demandé de lui croire. Et puis, c'est la seule chose que tu dois faire. Amen. Verse 29. 29. Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that you believe on him whom he has sent. So simple that we cannot even believe it. Es ist so einfach, dass du es nicht mehr glauben kannst. Et verset 29, c'est vraiment très facile, mais c'est très facile qu'on peut pas le croire. We are not used to simple things. We are used to hard things. Einfache Dinge. Until we are sweating, we are not working. Sondern erst wenn wir schwitzen, meinen wir etwas geschafft zu haben. Nous sommes pas habitués aux choses faciles. Seulement quand on transpire, c'est là où on a fait quelque chose, on a fait un travail. Amen. Again, two breaths from heaven. One is Christ. Eins Christus selbst. Deux pains de cieux. L'autre est Jésus-Christ. Amen. Amen. It's not just eating bread, it's eating him. Es geht nicht um Brot zu essen, sondern ihn zu essen. Il ne s'agit pas de manger le pain, mais de manger Jésus-Christ. You know, I can give you bread to eat. Is it that, you know? But I cannot give you myself to eat. Ich kann dir Brot zu essen geben, aber ich kann dir nicht mich selbst zu essen geben. Je peux te donner du pain à manger, mais je peux pas donner mon corps but, à manger. But that is not Jesus. Aber das ist nicht Jesus. Mais ça, c'est pas Jésus-Christ. Amen. Amen. The bread he will ever give you to eat is himself. Das Brot, was er dir gibt, wird immer er selbst sein. Amen. Et le seul pain qu'il va te donner à manger, c'est lui-même, c'est son propre chair. Amen. Sa propre chair. And that's why it does not only resurrect people. He is the resurrection. Amen. Und genauso gibt er nicht nur Auferstehung, sondern er ist die Auferstehung. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ ne donne pas la résurrection, mais lui-même il est la résurrection. Amen. And that's why you never come to him and not be healed, because he himself. Praise the Lord. Und genauso kannst du auch nicht zu ihm kommen, ohne Heilung zu erfahren, weil er die Heilung ist. Amen. Et c'est pourquoi tu ne peux pas venir vers Jésus-Christ et puis ne pas être guéri, parce que lui-même il est la guérison. Amen. You should know the difference between I'm giving you something, or I'm giving you myself. Okay. These two are different. I can't be there giving you something, but I'm not giving you myself. Mm. But you can come to me, I give you something. I am not giving you myself. But that of Christ, you cannot come to him without him giving you himself, or without you having him. Ich beispielsweise als Mensch. Please allow the Holy Spirit to help you to get it. Ich als Mensch kann dir etwas geben. Aber ich kann dir nicht mich selbst sozusagen geben. Aber Gott, Jesus Christus, er gibt sich dir selbst. Moi, par exemple, comme un être humain, je peux te donner quelque chose, mais avec ce chose, je te donne pas auto. Je te donne pas directement moi-même, mais quand Jésus-Christ il te donne quelque chose, il se donne lui-même aussi. Praise the Lord. He is so special. Er ist so besonders. Il est spécial. Christ Jesus is so special. Christus Jesus so besonders. Il est Jésus-Christ est vraiment spécial. You know, that was why, you know, when these people ask for king, they ask for King Saul to be their king. You can see what man asks for. That, you know, you cannot compare a man as a king and the true God as a king. Und there's no comparison. Deswegen kannst du auch einen jüdischen König, einen Menschenkönig, nicht mit Gott als König vergleichen. Et c'est pourquoi tu ne peux jamais comparer un roi terrestre avec le vrai Dieu comme roi. Praise the Lord. Hallelujah. Your father is everything. Dein Vater ist alles. Praise the Lord. Hallelujah. Our daddy is everything. Unser Papa ist alles. We have to know him. Amen. Don't be threatened by anything. Don't allow anything to threaten you. Bedrohen oder einschüchtern. You are just too big for that. Too big for that. Wir sind zu groß dafür. Amen. Ne sois pas menacé de quelque chose, parce que tu trop grand pour ça. You are the one that threatens things, and not things threatening you. Du solltest Dinge einschüchtern, nicht umgekehrt. C'est toi qui dois menacer les choses, et pas toi qui les autres que quelque chose te menace. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Again, true bread from heaven. Das one is Christ himself. This bread is he. Zwei Brote vom Himmel, eins ist vergänglich und das andere ist er selbst. Deux pains de ciel, l'autre un est vanité, l'autre est lui-même. Once you eat this bread, you eat him. Wenn dieses Brot ist, ist du ihn. If you eat bread, you don't eat me. If I give you bread to eat, I'm not the one you are eating. Wenn ich dir Brot gebe, dann habe ich nicht mir dich selbst gegeben. Du isst nicht gerade. But Jesus is not like that. Once he gives you bread to eat, it means you are eating him. Aber Jesus anders. It means he gives you himself to eat. Gibt er sich dir selbst. I don't know if you are getting it. Et moi, quand je te donne du pain à manger, tu ne manges pas moi-même. Mais quand Jésus-Christ te donne du pain à manger, tu manges Jésus-Christ dans ce moment. The other bread was just flesh and blood. Das andere Brot war einfach Fleisch und Blut. L'autre pain a été chair et sang. That profited nothing. Was nichts nützt. Qui sert à rien. People, especially the religious people, they see us as proud, as being proud. Religiöse Menschen oder andere Menschen arrogant. Sehen uns als stolz, arrogant. Et les gens religieux pensent que nous sommes orgueilleux, arrogants. And not accepting Or tolerating others. Und intolerant. Tolerating any other thing. Nichts anderes tolerieren. Et nous sommes intolérants vers les gens et vers les autres choses. It is true we do not tolerate things. Das stimmt, wir tolerieren Dinge. Things outside Christ. Dinge, die außerhalb von Christus sind, können wir nicht tolerieren. Et c'est vrai que nous sommes intolérants envers les choses en dehors de Christ. We don't accept or tolerate anything outside Christ. Wir akzeptieren und tolerieren nichts außerhalb von Christus. On ne peut pas accepter quelque chose ou bien tolérer quelque chose en dehors de Jésus-Christ. We are bold and very bold. Und deswegen sind wir sehr mutig. Et c'est pourquoi nous sommes très courageux. Why? Because of the Holy Ghost. Wegen dem Heiligen Geist. It's not our fault. Grâce au Saint-Esprit. C'est pas notre faute que nous sommes courageux. Das ist nicht unsere Schuld, das ist nicht aus unserer Kraft, das ist der Heilige Praise Geist. The Lord. Halleluja. You cannot have the Holy Ghost and not be bold. Du kannst nicht den Heiligen Geist haben und nicht mutig sein. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit sans être courageux. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Because you cannot have the Holy Ghost and never and not be bold. Du kannst nicht den Heiligen Geist haben und nicht mutig sein. Tu peux pas avoir le Saint-Esprit sans être courageux. We don't have the spirit of fear. Wir haben nicht den Angst, den Geist der Furcht. Nous avons pas. Amen. Amen. Romans 8. Praise the Lord. Nous avons pas l'esprit de la peur. Romans 8, please. Romans 8. Römer 8. Verse 15. Verset 15. Romans 8, verset 15. He said, for you have not received the spirit of bondage. Again, to fear. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You have not received the spirit of bondage to fear. Somebody get in it. Vous n'avez pas reçu l'esprit de la captivité pour avoir la peur. Dass ihr euch wiederum fürchten müsstet. Amen. Amen. But you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba Father. Amen. Mais vous avez reçu un esprit et son merci. He said, the spirit itself, verse 16, beareth witness with our spirit that we are the children of God. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Just like Peter and John. Genauso wie Petrus und Johannes. Comme Jean et Pierre. Remember their boldness. Erinnert euch an ihren Mut. Rappelez-vous à leur courage. Acte 4, please. Acte des Apôtres 4. Acte 4, verse 13. Apostelgeschichte 4, Acte 4, verset 13. 13. Praise the Lord. Hallelujah. Acte 4, verset 13. He said, when they saw the boldness of Peter and John. Praise the Lord. Hallelujah. And perceived that they were unlearned and ignorant men. They were unlearned. Sie waren ungelernte Leute. Is somebody getting it? Mm-hmm. Amen. Et les apôtres étaient. They were bush people. Amen. Unlearned, ignorant men. Sans instruction. They marveled and they took knowledge of them. They marveled. And they took knowledge of them that they have been with Jesus. Amen. You never come to Christ and not be him. Du kommst nicht zu Christus, das ist nicht er. Das ist the kingdom of heaven. Tu ne peux pas venir vers Jésus-Christ et pas être lui-même. Praise the Lord. Hallelujah. We close there, please. We have a lot to go through on Sunday. Amen. Amen. Amen.